Regarde le crème en circulaire, fils de pute, c'est pas du plastique. C'est pas le monster à ton père devant le portail, cette villa magnifique. Encore une année prolifique, ça. Du bon côté du calibre. J'ai vécu comme un dandy, je vais mourir comme un caïd. Grosse fusée, tombé, bourré, danger. Frérot, fais monter côté passager. La chita, la puta, zone 6, trap house, gros clip à Atlanta. Je viens d'où le soleil me brûle la peau, Tony Yonka, pas de Zumba. Je suis indépendant, je force les majors. French Connection, je suis sur le vieux port. Ah ah, fort, fort. Septième rapport, un compte aux Azores. Paradis fiscal, je mets dans les corps. Je vais tous les dormes, les yeux rouges vifs, Terminator. Je crois que je vais insulter des mères. Poussez les gamins, main, main, car je vais insulter des mères. Laissez passer les gros poissons. Défiez-vous des contrefaçons. Défiez-vous des contrefaçons. Stop, stop. On connaît les grands de chez toi, fais pas le fou avec ton chignon. Ferme ta gueule et marche droit. Prends exemple sur les Chinois, la médecine allait sous vide. Les grosses têtes sont bien humides. Ta petite caisse sur les nombrils, laisse trop ma kiffe, le temps m'embrille. La menaçante, je regarde le firmament. Pas d'étoile filante. Un instant, je sors d'une firme allemande. Je dépense. Frérot, c'est Dieu qui donne. Frérot, c'est Dieu qui reprend. Auto-tune. Pour le 13, y'a la file indienne. La parole ferme à la boue médienne. C'est nous qui avons monté le four. J'vais être en retard pour mes 5 prières par jour. Enlève l'auto-tune. Projet fantôme, y'a des jeunes qui parlent dans ma tête. J'ai perdu la boule. Des yeux toujours comme les phares du PM à Jack Mess. Fais-moi les boules. Les jeunes vivants en deuxième carrière à la ZZ. On va dans le chargeur. Les gens vivent en deuxième carrière à la ZZ. Je crois que je vais insulter des mères. Poussez les gars main, main, main, car je vais insulter des mères. Laissez passer les gros poissons. Défiez-vous des contrefaçons. Défiez-vous des contrefaçons. Je crois que je vais insulter des mères. Poussez les gars main, main, main, car je vais insulter des mères. Laissez passer les gros poissons. Défiez-vous des contrefaçons. Défiez-vous des contrefaçons. Stop, stop. Je crois que je vais insulter des mères. Car je vais insulter des mères. Et même les grands-mères. Laissez passer les gros poissons. Défiez-vous des contrefaçons. Ça.